Guillermo Guise. Alors, bah, en fait, t'étais en train de boire. Et je me suis dit, le pauvre, il va s'étouffer. Guillermo. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai regardé l'autre jour BFM Bourse. Pour voir où on en sont nos actions Total Energy. On est bien, franchement, on est bien. Merci Nagui, quoi. Je crois que c'est vraiment la meilleure idée ever, quoi, ce pot commun. Vous rappelez au début quand il nous disait soit je vous paye en argent, soit vous me laissez investir. On était perplexes, moi j'y connais rien en pétrole et en armement. Quoi. Mais franchement, j'ai vu le montant de nos dividendes. Franchement, c'est fini le team building au Luxembourg, hein. On pourra aller au soleil, quoi. Enfin. Donc on salue Nagui. Il fait le tour des musées là pour sécuriser ses tableaux. Moi, je l'ai eu ce matin, il est en panique. Il me dit qu'est-ce que je fais pour Guernica? Je mets une vitre ou je mets un filet de pêche? Non, je sais, Nagui. Non, je sais. Et donc sur BFM, justement, à un moment, je vois que ça parle des nouvelles aspirations des jeunes au travail. Et je me dis décidément que des sujets pour moi, quoi. La jeunesse, ça me parle. Physiquement, plus trop, honnêtement. Je me lève 4 fois par nuit pour aller pisser, quoi. Et j'ai que 40 ans. À ce rythme-là, dans 6-7 ans, je devrais mettre mon matelas directement dans la toilette, comme Daniel, tu vois. Et on se plaint souvent de comment il sent, mais on se demande jamais pourquoi il sent. C'est vrai. Hein. Faut qu'on communique plus dans cette équipe, quoi. Ça va nous faire un bien fou, ce team building au Qatar. Non, mais bref. Sur BFM, le patron d'une boîte de conseil disait qu'il avait constaté que la génération Z avait une passion renouvelée pour le travail, ce qui allait à contre-courant un peu de ce qu'on entend en général pour le moment, quoi. Ils avaient fait une étude sur des jeunes du monde entier. Et là, le journaliste lui demande sur combien de jeunes, et il répond 12. Ça, c'est pas un échantillon, c'est un repas de famille, quoi. Tu vois, il a dit, on a choisi une approche qualitative, sans blague. Ça, c'est sûr, à 12, tu peux être qualitatif. À 12, tu peux connaître des aspirations profondes de chacun, s'il est plutôt Jager Bomb ou Tequila Boom Boom, tu vois, si c'est qui son mousquetaire préféré, c'est quoi son point de vue sur le clavier AZERTY. Enfin, je veux dire, à 12, je me suis dit, c'est pas assez pour avoir une vue d'ensemble. Du coup, j'ai lu plein d'articles sur le rapport qu'ont les jeunes au travail actuellement, et c'est souvent contradictoire, en fait, en fonction de qui, comment dites l'article. Quand c'est les patrons qui te sortent une étude, t'as genre 83% des jeunes voudraient être plus ponctuels. Quand c'est le RN qui publie, t'entends 99% veulent bien travailler plus, mais pas à côté d'un musulman. Ah ouais? C'est quoi votre échantillon? Bah Marine, Jordan, Louis, on a du qualitatif à fond, quoi. Ce qui revient beaucoup en ce moment, c'est que les jeunes travailleurs ont besoin de sens, qu'ils accordent moins de valeur intrinsèque au travail et qu'ils font le strict minimum de ce qui est demandé dans leur contrat, quoi, pas plus. Et là aussi, ça me parle, parce que je suis un précurseur. Moi, j'ai toujours fait ça à la bande originale. Ma chronique, point barre. C'est pour ça que je vous laisse tout le temps gagner au blind test. Ouais. Ça me raccorde quoi de jouer sérieusement? L'autre fois, j'avais parlé à Laurence Bloch, je lui ai dit, j'ai trouvé Milli Vanilli, la première note, parce que j'ai eu un euro de plus. Bon, je ne crois pas, tu vois. Ouais, quand j'interviens en dehors de ma chronique, ça m'est déjà arrivé, mais bon, après, l'invité vient me voir en pleurs, en me disant merci, une question pertinente, ça me bouleverse tellement et tout. Et je suis là, mais prenez mon numéro, madame Huppert, tu vois. J'en ai d'autres, des questions, si vous voulez, franchement. Et à 3h du matin, allô, c'est Isabelle, Ernesto, j'ai encore envie de parler, tu vois, tu peux plus, c'est relou. Heureusement, à cette heure-là, je suis debout pour l'urine, mais c'est vrai que c'est pas une raison pour en profiter, Frédéric, je vous le dis. Hein. Et c'est foisonnant, cette littérature sur la question du rapport aux jeunes au travail. J'ai lu une étude qui disait que plus d'un salarié sur deux, pour le moment, se sentait épuisé au travail. Ben moi, ça va. J'aime trop mon nouveau rythme, une fois par mois. C'est Marina Rollman qui m'a inspiré ça. Vous vous souvenez au début quand Marina, elle avait dit « J'arrête les chroniques hebdomadaires, je viendrai juste de temps en temps. » Vous vous rappelez qu'on a réagi? On était là, mais pour qui elle se prend? C'est la diva. Ok, la diva suissesse. Eh ben, déjà que dans son contrat, il y a une loge privée, un kinésiologue et un café gourmand. Tu vois, c'est pas le commun des prolos de l'humour inter, Marina Rollman. Mais bon, bien joué, quoi. Ouais. Elle espace ses billets, ça crée de la rareté. Chaque fois, elle fait une chronique, c'est un petit événement sur YouTube, elle pète les scores, etc. Je me suis dit, je vais faire pareil. Eh bien, il semble que ce soit moins un petit événement pour les gens. J'ai un contact chez YouTube, il m'a dit qu'il devait encore vérifier dans les spams, mais apparemment, les gens s'en branlent. Mon nouveau rythme, franchement, mes vues mensuelles sont sensiblement pareilles que mes vues d'avant. Il faut dire que depuis que j'ai arrêté en hebdomadaire, France Inter a réagi fort pour compenser ma baisse d'activité. Ils ont engagé 700 humoristes. Mon contact chez YouTube m'a dit que les équipes sont sur les rotules pour encoder nos chroniques. Mais bon, depuis que je suis en âge de bosser, j'ai jamais eu autant de temps libre. Quoi. C'est trop bien, je m'occupe de mon chien. Là, j'essaie de lui apprendre le grec ancien. Pour le moment, il arrive juste à dire croquette avec les yeux, comme quand je l'ai eu il y a 5 mois, tu vois. Sur la question de la bouffe, tu le sens pas dans l'envie de sortir de sa zone de confort, quoi. Mais bon, ça me suffit, quoi. En plus, j'ai arrêté tous les réseaux sociaux il y a un mois. Paul Mirabel me demande, tu fais comment pour envoyer tes dick pics? Bah, pas recommandé, comme avant. Dans des petits cadres, avec un livret, un mot du photographe. C'est plus humain, moi, je trouve. Et en plus, j'ai le temps, là, tu vois. Le droit à la paresse, franchement, 100% des gens que j'ai interrogés disent que je kiffe trop ça, quoi. Allez, bonne émission. Bravo, bravo, Guillermo. Attention, Guillermo est en tournée dans toute la France et le 12 janvier, il sera au Grand Rex à Paris. Allez-y, ou pas.